Yeah. Zougata brûle ma gueule en direct de Marseille. Paris, Marseille, PES, FIFA. Un homme, une femme, un trou, c'est un trou, frère. Toujours le même, y'a des armes à la baraque. La BRB, la PJ dans les barrages. Je suis dans les viseurs, si tu cherches la merde, mon gros, je vois la démarche, t'allumes ta mère, je m'en débarrasse. MC, t'as le swag d'un pêcheur. Toi, c'est la high smooth, c'est de la fraîcheur. Wesh, soir, j'ai la tête dedans, je rachète autant parce que ma montre coûte trop cher. Aucune compassion, le rap de merde, mon terrain d'occupation. Moi, j'ai de la haine, de la colère, de l'orgueil. Pour 100 000 euros, cash, je vais songer la meilleure gueule. J'ai pas mal de la crime. Nique ta mère. T'as trop donné ta chatte. Nique ta mère. Big up à la police. Nique ta mère. Et si tu les rencaves. Nique ta mère. Passe-moi, tu biffes la caisse, pas de casse, on casse rapide. Biche, champagne, resto, fagra, piscine, Floride. Ré, je m'arrête pas de vivre. Le visage cassé, mais je plais grave. Achète une arme avant de te mettre ta vie grave. Fusil d'assaut, je connais la vie, celle des pulcras, cravo, mes crans. Oh. C'est le bloc, c'est le drame. Je vais te monter au crâne comme un sous de Hia. Ça me saoule, c'est le fan. Les MC stressent comme des épouses de GI. Faut que je te coupe le grillage, la cour des miracles, la cour de cash, parcours de pirates, partout c'est l'Irak. Ça trouve, ça kidnappe, à quand le calme, billage. Je navigue à vue, ça vise la lune, là où les requins se chassent. Combien rêve d'être payé à rien branler comme le prince Charles. La vie, la rue, t'apprennent l'esprit, la ruse. Même quand t'es brisé, sans s'aiguiser, briller comme les Champs-Élysées. Sans s'aiguiser. Pour mon crew, ma reine, j'porterai toujours le fan du missile. J'pèse tout en sous-marin, Loana dans la piscine. Trop c'est la crime, la fro, la clique, ça vaut de l'or. Pas trop la suite, plutôt le coffre, le code, la gold et le compte gonflé. Ce n'est que le début du tombé parce que je n'ai pas ça. Ni sont pour les white boys. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi-même seul, le chétan m'accompagne, boy. J'suis pas né avec une cuillère en argent dans la poule. Disons que je n'ai pas de boy. Tu veux partir loin et jamais revenir. Tire-toi une balle dans la tête, jette-moi. Mon ennemi, ni ton ni ma ni wa ni algérien marron. Qui la frappe, elle danse et vient de chez nous. La mini son dit-le à ta copine. L'argent bien se fait en suivant. Je connais qui tu en braquant des briques. Pathétique de me comparer à tous ces petits, je crois bien qu'on n'a pas les mêmes dreams. J'ai pété les plombs, j'ai fait péter les plombs. Envie par les mecs de mon âge, j'ai respecté par l'écran. Les MC mangent des KO, mon flow de malade à mille gants. Mes découvertes vocalités, bienvenue dans ma vie d'Aloca. Snatch, DJ One, ICK et le 3-1. Un 3 Benson, c'est la bande son. Ratatata, ramasse les douilles. Tu veux la gloire, tiens la rançon. Ratatata, ramasse les douilles. Pas les couilles de tous ceux qu'ils sont. J'arrive couille pleine comme le Père Noël. Pas les couilles de tous ceux qu'ils ont. J'arrive coup de pelle comme Bernie Noël. Une petite voix me dit Lego, Lego, game et game, retourne le putain. Tout se paye, fuck you pay me, gain et gain, fais tourner le putain. Le rap est mort, je suis ça des poules, mes condoléances. Dis-moi où je signe, je vais avoir une larme, qu'une vie, qu'une âme. Le savoir une arme, dis-moi où je cible. Viens pas sympathiser, va te faire, je t'aime pas, tu sais. Je te laisse ma part de succès, mais je te laisse pas me la sucer. Je suis sur ta putain de boue, mais je suis sur ta putain de boue. Je suis sur le putain de tapis rouge, Aladdin sur ta putain. Comme Climo, je suis toujours le même. Ceux qui veulent peser mes couilles ou plisser sur ma dépouille. Après mon douze, ramasser des douilles. Allez, tout, tout, tout, tout, qui vos mères. Entre nous, un écart de fou. Je m'assois pas là où y'a pas des rats comme nous. Pas des tapins qui sucent à tous les feux rouges, tous les carrefours. On est partout, on les efface tous. C'est ni air ou la crime, gros. On est partout, on le parcours. On connaît les braves et les cafous qui crachent même sur les sujets tabous. Partons pas, on casse tout pas. T'as pas touche à nos galouches. Même toi, un doigt comme laser, mais personne veut entendre parler de toi. Tout comme éditer que des vérités, peu de sincérité. Tout est mérité, vite des palais, crédibilité. Je suis pour l'unité, demande à mon équipe. Y'a pas de quoi douter, ma fiabilité. Tu sais qui pèse dans ton bloc. Flow crédit illimité, I'm a real best motherfucker. Yeah, je suis là, c'est que le son part sur une bonne note, nigga. Gros c'est la haine, madame va que prévient les haineux. Gunshot qui est grand sous le choc de puis one shot qui se trouve fort shit dans les veines. Pas la peine que t'essayes de nous ken dans le motherfucking tête, c'est le Delport. Pas tête à tête, aura ta tête à terre car la vie nous aken. On est très terre à terre, te mêle pas de nos vies frères. On a pas temps à perdre, nos passants c'est de faire fructifier nos affaires. Je suis pas un guide, mais si tu me mets un faux plan, je t'indiquerai tranquillement le chemin de ta tombe. Je verrai comme un young, mais t'as vu que je suis young, grosse te tarde d'éléphant si ma femme me trompe. Si t'es un louja qui a la critique aussi facile qu'une pétasse ne kiffe pas. Ou alors va niquer ta mère, ou bien mes potes vont le faire et tu seras un vide depuis demain, ne clique pas. Ok, tu pas. S'ils te demandent d'où je viens, dis-leur que je suis pas derrière. Moi je veux être partout, comme le drapeau algérien. Chat X les barbares bad boy. Bibi, coloco, ken, cowboy. Je vis chaque jour comme si je devais partir demain. Pourtant j'ai peur de partir sous alcool. Mes bétails s'extirpent ta carte gold. Mes bigots parlent de ramener pardon. C'est ce qu'elle intéresse, déjà fait de gérer Spider-Man. Me cagouler pour faucher le pactole. Ils demandent comment je rappe à la vitesse énorme serre. Ils demandent combien de temps j'ai pas dormi vu mes serres. Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es. Bigot, c'est la perfection. Il est que notre âme de vie des serres. Nicolo, coloco, foutu, elle s'appelle l'air. Il doute que et démoli devient la langue de Molière. Malheureusement, je suis sorti de l'anonymat, niqué vos mères, les gars, c'était dans la nuit noire, qu'il fallait croire en la lumière. Trêve fleuri, bois dans la santé, only. Je compte enterrer le rap game comme promis. Mental, Ali, la pointe, soit track, Maui. Flocker, young money. Doucement sur mon champagne, sale biatch. C'est que dans la vie, tout se paye, sale biatch. Et ta potelle, je t'appelle à midi, mais je te lâche pas jusqu'au lendemain midi. C'est quand même le nouveau baisse de mon département. 9-5, puis les belles mises à la demande. Tu peux représenter, fais-le correctement. Ne hachem pas, voilà qu'on torchera pas. Tu veux démon, on te laissera pas, t'as le démon. Je sais que t'auras. C'est mon renvoi, les mecs de Villiers le Ben. Au sommet, comme à l'époque du secteur A. C'est VIZLIERS. Chez nous, les petits tirs sur les CRS. Monsieur l'inspecteur, moi j'étais pas dans les émeutes. Sur la tête de mon CRS. Villiers le Ben, on est plus que des terres. Sales, comme un butin, faut des terres. Aval, maintenant t'as plus qu'à te taire. Caval où tu finis plus bas que terre. L'argent ne fait pas le bonhomme. Car une paire de couches, ça coûte cher. Ton équipe te suce la bite. Moi j'haga le beat. Et c'est moi qu'elle écoute. Cher. Mon équipe, je gère. On m'a dit que je gêne. Ton équipe me cherche. Dis-leur que je vais relever le niveau. Dis-leur que j'ai saigné. Laissez nager, gêne. Je m'appelle Kamel le nouveau. Des Kairas pour la scène. Ok, de Paris à Marseille.